Le recteur, par Margaret Oliphant. Chapitre 1er. Il est assez naturel de supposer que l'arrivée du nouveau recteur était, pour Carlingford, un véritable événement. Car alors, rien ne troublait la monotonie de cette ville aujourd'hui très peuplée. Pas de commerce, fort peu de manufactures, en revanche, une société nombreuse. Située à peu de distance de Londres, Carlingford est bâti dans un lieu charmant. Son climat est doux, et la réputation de ce pays, en ce qui concerne la société qu'il habite, a beaucoup accru la cherté de la vie. Les avantages que présente la ville ont augmenté le prix des loyers. Mais ceci n'a évidemment trait qu'à la ville seule, à laquelle on arrive par une longue rue, comme encaissée dans les murs de jardin, au fond desquels se cachent des maisons remplies de ce confortable élégant particulier à ces sortes d'habitations, et où règne la sage économie propre à ces lieux de solitude et de repos. Il n'y a pas de dissident à Carlingford, et l'on peut croire que pour des âmes religieuses et pénétrées des intérêts de l'Église, la venue d'un nouveau recteur était un événement plein d'importance et même un motif d'excitation profonde. Tout le monde savait dans la ville que l'on disait beaucoup de bien de lui, mais on ne savait quels étaient ceux qui en disaient du bien, et personne n'aurait pu, même par simple conjecture, soupçonner quelles étaient ses doctrines. Sous le règne du précédent recteur, l'Église avait été fort abaissée et s'était trouvée plongée dans les plus profondes abîmes de l'évangélisation. Il était venu à ce brave homme une fureur de prédication universelle qui avait fait déserter la chapelle de Salem pour celle de Saint-Roch, à un demi-mille environ de Carlingford, par tous les gens de bon ton de la ville. Dans cette dernière église, on pouvait entendre, sans se compromettre, le jeune vicaire, beau et ardent, qui s'était placé au premier rang parmi les promoteurs de l'anglicanisme. Saint-Roch n'était, à vrai dire, qu'un but de promenade pour le quartier aristocratique, et on pouvait s'y rendre, Dieu merci, sans traverser le nouveau faubourg, à la population duquel s'était voué le jeune docteur Ryder. Or, l'évangélique recteur était mort, son règne était passé, et nul n'aurait pu dire ce que serait la nouvelle administration. Le mystère qu'entourait les intentions de son successeur était, il faut le dire, son principal attrait aux yeux des habitants de Carlingford. On savait qu'il avait remporté de grands honneurs à l'université d'Oxford et que l'on faisait grand cas de lui, mais qu'il fût grand ou petit, athlétique ou sentimental, sermonneur ou agréablement érudit, personne au monde n'aurait pu le dire. S'il allait faire comme feu M. Barry, s'il se mettait à prêcher un chacun et à visiter des gens de toutes sortes, excepté nous, à qui il doit tous ses soins, s'écria une des paroissiennes de cet énigmatique recteur. « Je crains que telles ne soient ses intentions. Si c'était un homme du monde, on en aurait déjà parlé. » « Ma chère Lucie, n'oublie pas que feu M. Barry vous a baptisé, » répondit une autre paroissienne, non moins curieuse, mais plus tolérante. « Et qu'en le faisant, il vous a rendu le plus grand service qu'on puisse rendre à une créature humaine, » s'écria le troisième membre du petit groupe qui s'occupait du nouveau recteur sous les pommiers fleuris du jardin de M. Woodhouse. Chose étrange, il est des hommes qui baptisent leurs semblables sans connaître toute la valeur de ce bienfait éclatant. Quant à moi, M. Wentworth, en pareille matière, je... dit la plus âgée des deux femmes en s'interrompant aussitôt. Miss Woodhouse, quoiqu'elle eût bien près de 40 ans, qu'elle fût pieuse et célibataire, n'était pas forte sur la controverse. Elle avait son opinion à elle, mais personne n'en connaissait le premier mot. Elle était en ce moment assise sur un banc entouré d'aubépines, dans ce beau jardin, rempli de fleurs et d'ombre, où tout, excepté la pelouse de gazon, était cultivé avec le soin le plus minutieux. C'était un tableau tel qu'on n'en peut trouver que dans une ville de province. Les murs élevés en cachaient l'aspect aux curieux, tout en laissant retomber au dehors de longues branches de lilas, comme un salut gracieux adressé au monde extérieur, tandis qu'au dedans, les fleurs tombaient lentement en s'effeuillant sur la jolie tête de Lucy Woodhouse et sur l'habit anglican de Cecil Wentworth. Ces deux derniers étaient jeunes et portaient en eux cette indéfinissable harmonie qui donne à l'observateur l'idée d'un beau couple. Ils ne s'aimaient pas encore, du moins autant qu'il était possible de le savoir. Mais il était peu de gens qui, en les voyant ensemble, n'eussent l'idée instinctive de placer le jeune vicaire de Saint-Roch en permanence aux côtés de Lucie. Elle avait 20 ans, des yeux bleus, un visage tout plein de charmantes fossettes, elle était coiffée d'un large chapeau de paille d'Italie, dont les rubans bleus dénoués flottaient parmi les boucles de ses cheveux blancs. Des rubans de même couleur se nouaient à sa taille et à son cou. Ses petites mains étaient engagées dans de gros gants de jardin. Un panier des ciseaux gisait sur l'herbe à ses pieds et tout autour d'elle étaient répandues à profusion les plus délicieuses fleurs du printemps, le narcisse blanc et jaune, les lys, les hyacinthes bleus et roses, les globes d'or des renoncules, tout en monde enfin de ces fleurs odorantes qui croissent le long des murs. Si Lucie eût rempli ce que sa sœur aînée appelait son devoir, elle aurait été en ce moment occupée à orner de bouquets les vases du salon. Mais les instants où Lucie faisait ce que Miss Woodhouse appelait son devoir étaient rares. Elle était donc là, causant du nouveau recteur, en savouant peut-être au fond de son âme que la présence de ce jeune prêtre sous les pommiers fleuris doublait pour elle le charme de ces douces et brillantes matinées. « Je crois, dit-elle avec un léger soupir, qu'il faut attendre que nous ayons vu le recteur pour avoir une opinion sur lui. Mais si je dois le respect à feu M. Bury, parce qu'il m'a baptisé, son successeur n'a rien à prétendre sur ma révérence. J'ai été baptisé, confirmé, mais Lucie, interrompit Miss Woodhouse avec calme, il y a tout à parier que vous l'épouserez. La chose est d'autant plus probable qu'il est le recteur. Et puis, quoique nous fréquentions assidûment Saint-Roch, M. Wentworth m'excusera si je dis qu'il est encore bien jeune. » Miss Woodhouse tricotait et ne put voir le regard d'étonnement et presque d'épouvante que lui jeta le vicaire, ni la rougeur subite qui monta au front des deux jeunes gens. N'est-il pas étrange que les personnes âgées aient une telle fureur d'allusion? Il est certain que Lucy Woodhouse et M. Wentworth n'auraient jamais rêvé que d'amitié, si on ne leur avait pas mis si bizarrement d'autres idées en tête. Un profond silence suivit ces paroles si simples en apparence. Miss Woodhouse continuait à tricoter. Lucie arrangeait les fleurs dans le panier, incapable de dire un mot, et M. Wentworth rejetait, en les comptant distraitement, les fleurs qui mouchetaient son habit et qui retombaient comme des flocons de neige, s'arrêtant çà et là aux caprices du vent, paraissant néanmoins avoir une attraction marquée pour les rubans bleus de Lucie. Non loin de là brillait, au fond du jardin, baignée dans les rayons du soleil, la maison d'habitation. Tout cet ensemble formait le plus délicieux tableau champêtre qu'il soit possible d'imaginer. C'était sans doute la pensée du jeune des servants. Mais s'il était éternellement vicaire de Saint-Roch, si parmi ses belles relations personne ne songeait à lui donner de l'avancement, comment supposer qu'il pût jamais devenir l'époux de Lucie? En ce moment même, la grille du jardin s'ouvrit sous la clé de M. Woodhouse, qui cria en tournant dans la serrure. M. Woodhouse faisait généralement crier tous les objets dont il se servait. Le bruit de ses souliers était connu de toute la maison, et ce bruit familier s'était peu à peu identifié avec sa personne. Tout ce qui lui appartenait craquait entre ses mains, sauf, cependant, son intérieur, où tout, grâce à Lucie, était harmonie. Comme il traversait le jardin, le sable jaillissant sous son pas gauche et lourd attira l'attention de Miss Woodhouse, qui releva la tête pour souhaiter la bienvenue à son père. Les deux jeunes gens jetèrent les yeux sur elle et remarquèrent un mouvement de surprise, tandis qu'elle laissait tomber ses aiguilles à tricoter et qu'une légère rougeur venait colorer son visage. Nous ne savons quel instinct singulier leur fit deviner que l'objet de cette surprise était un homme à la tournure incertaine et embarrassée qui suivait M. Woodhouse et qui resta grave et silencieux derrière le maître de la maison quand celui-ci fut arrivé derrière le petit groupe. « Mes chers enfants, je vous présente le recteur. Vous serez tous enchantés de faire sa connaissance, » s'écria M. Woodhouse. « Voici ma petite Lucie, puis ma fille aînée. Eh bien, Lucie, avez-vous quelque chose à nous donner pour le lunch? Monsieur reste avec nous. Ah, je parie qu'il n'a que du mouton froid, ce qui ne convient guère à quelqu'un qui quitte le séminaire. Ah, Wentworth, excusez-moi, qui diable aurait pensé vous trouver ici? Je croyais que vous aviez un service le matin et mille autres obligations du même genre. Je suis enchanté d'avoir cette occasion de vous faire connaître le nouveau recteur, Monsieur Proctor, Monsieur Wentworth, vicaire de Saint-Roch. Le recteur salua sans répondre et son visage se couvrit de rougeur. Il en était à sa première cure. Cloîtré depuis 15 ans au séminaire d'Old Souls, il ne savait comment aborder, tout à la fois, un homme qu'il ne connaissait pas et ses paroissiens, surtout quand ces curieux spécimens étaient représentés par des femmes habituées, sans nul doute, aux flatteries et aux compliments. si jamais quelqu'un rendit grâce au son d'une voix humaine, ce fut le nouveau recteur de Carlingford en entendant celle de M. Woodhouse. Il regardait, étonné, cette scène de famille, piétinant sans le savoir les narcisses et les renoncules et portant ses yeux du visage du vicaire, dont l'accueil était moins cordial qu'on aurait pu s'y attendre, sur les rubans bleus de Lucie. « Allons, allons, le lunch nous attend. Ne faisons pas tant de cérémonies, » s'écria M. Woodhouse. « Donnez le bras à Lucie, mon cher M. Proctor. Laissez-la votre tricot, ma fille, et ne faites pas ainsi la vieille femme. » « Eh bien, Wentworth, où allez-vous ? Ce n'est pas jour de jeûne aujourd'hui, n'est-ce pas, Mary ? C'est jeudi, entendez-vous ? Jeudi, et le recteur vient d'arriver. Allons, venez. »« Pardonnez-moi, » dit le vicaire, « j'ai un rendez-vous. »« Pourquoi donc n'y êtes-vous pas allé plus tôt, au lieu de perdre votre temps à causer avec ces dames ? Venez donc, c'est probablement un rendez-vous avec quelque vieille femme qui va vous extorquer une demi-douzaine de gilets de flanelle, n'est-ce pas ? Allons, suivez-nous. »« Je vous remercie. » « J'espère revoir bientôt, Monsieur Proctor, » dit le jeune Wentworth d'un ton de plus en plus sec. « Mais il m'est impossible de rester. Adieu, Miss Woodhouse. Je suis heureux de... » Et la voix du vicaire s'éteignit en un murmure confus de banale politesse, tout en se dirigeant vers la porte verte du jardin. La porte verte. Quelle mince et faible barrière. Trois ou quatre haies de bois, rien que cela. Mais d'un côté le jardin et de l'autre la route sèche et poudreuse d'où l'on ne voyait rien que de grands murs en briques, au-dessus desquels flottaient çà et là des touffes de lilas ou de marronniers, et parfois la petite charrette d'un maraîcher traînée par quelque âne étique et essoufflé. Enfin, tout au loin, dans la direction de Saint-Roch, la route, toujours la route de plus en plus aride et poudreuse. Hélas, était-ce un paradis qu'on voyait au-dedans ? Ou bien un lieu de misère et de mensonges, orné de fleurs, de pommiers et de rubans bleus, qui pourrait le dire ? Le vicaire cheminait tristement et de mauvaise humeur vers son presbytère, et il est à craindre que la vieille femme dont avait parlé M. Woodhouse n'eût eu de la peine à obtenir de lui le moindre gilet de flanelle. « Quelle fat que ce jeune Wentworth !» dit M. Woodhouse. « Il est de bonne famille, néanmoins, il s'occupe avec beaucoup de zèle de son office. » « Je suppose que c'est par égard pour ses parents, mais je ne me flatte pas de lire dans le cœur des hommes, il se peut qu'il ait de plus nobles motifs. Il est parti comme une flèche, il s'en est en colère, peu importe. Le lunch vient à point, à qui sait attendre, à table. » En disant ces mots, M. Woodhouse s'arma de son couteau, de sa fourchette, et se mit à l'œuvre. À partir de ce moment, il garda le plus profond silence. Le mystère du dépeçage, du manger et du boire absorbait toutes ses facultés. Tout le monde restait muet. Le recteur rougissait, pâlissait, balbutiait. Il ne savait comment entamer la conversation. Il regarda Lucie avec l'intention bien arrêtée de lui adresser la parole. Mais leurs yeux s'étant rencontrés, il recula devant un acte si périlleux. Alors il tourna la tête du côté de Miss Woodhouse. Puis il laissa errer ses regards sur les murs de la pièce, comme pour y chercher une inspiration. Hélas, ce n'était qu'une salle à manger, très confortable et très jolie, il est vrai, mais nullement fantastique. Au milieu de ce terrible dilemme, une voix se fit entendre. « J'espère que Carlingford vous plaira, Monsieur Proctor, » dit Miss Woodhouse doucement. « Oui, oui, je l'espère aussi, » répondit le recteur confus. « C'est-à-dire, cela dépendra beaucoup du caractère de mes paroissiens. » « Vous saurez que nous sommes un peu vains ici, » reprit la charitable demoiselle, « et que Carlingford a coutume de se glorifier de la société qu'il habite. »« Ah, parfaitement, madame, mais ce n'était pas là ce que je pensais. »« Et quoi, monsieur Proctor ?» s'écria Lucie, prise d'un soudain accès de gravité. « Voulez-vous dire que vous n'aimez pas la société des femmes ?» Le recteur, à moitié effrayé, jeta sur elle un rapide coup d'œil. Cette charmante fille était belle à troubler, même un agrégé d'Alice House. « J'avoue que je les connais bien peu, » balbutia le pauvre ecclésiastique. Il avait à peine achevé ces mots qu'il les regretta, mais il était trop tard, la vérité de ses paroles était d'ailleurs incontestable. « Venez nous voir, et nous vous les ferons connaître. »« Venez aussi souvent que vous le pouvez, » s'écria M. Woodhouse, dans un intervalle de repos au milieu de ses graves occupations. « Vous ne pouviez mieux trouver pour faire connaissance avec nos dames. » « Mes filles mènent tout Carlingford, à ce qu'on assure. » Lucie répondit à ce discours par un éclat de rire qui retentit avec une douceur étrange aux oreilles du recteur. Miss Woodhouse, au contraire, rougit légèrement et fit des reproches à son père. Tout cela était une scène assez singulière pour M. Proctor. Aussi regardait-il chaque personne avec des yeux qui semblaient exprimer la désapprobation, mais dans lesquels ne se peignait en réalité que son étonnement et son incertitude. Il se sentit donc heureux, au-delà de toute expression, quand, le lunch achevé, il put se retirer, et ce fut avec des sentiments bien différents de ceux qui avaient agité le jeune Wentworth que le recteur franchit le seuil de la porte verte. Quand elle se fut refermée sur lui, il poussa un long soupir de soulagement et regarda la route avec sa longue avenue de murs au-dessus desquels les fleurs s'épandaient de toutes parts, avec le sentiment qu'on éprouve quand on vient d'être rendu à la liberté. Après s'être arrêté un instant et avoir jeté les yeux autour de lui comme pour mieux jouir de cette liberté, il partit et descendit rapidement le chemin. Pourtant, une sensation désagréable lui revint, et une sorte de découragement mêlé de chagrin s'empara de lui. Il pensa à ses paroissiens, ses paroissiennes, devrais-je dire. Juste à ce moment, un groupe de dames apparut dans le feuillage qui servait de cadre à une autre porte verte. Le silence harmonieux des chants lui permettait d'entendre leur rire joyeux et le léger bruissement de leur robe de soie. Le recteur, effrayé, s'enfuit et marcha sans reprendre haleine jusqu'à ce qu'il fût arrivé dans la bibliothèque du rectorat parmi les vieux parchemins de feu M. Barry. Cet endroit lui semblait l'unique lieu où il peut être en sûreté.